Songo. Songo. Songo le dozo. Songo le dozo. Dozo, dozo. Les petites équipes peuvent battre les grandes, j'ai appris en résistant. Ce game a la touche tellement large que je perds mes bagues dans les fistons. Je te l'ai dit, je rigole pas. T'es pas à l'abri que je te tarte. J'ai la vie d'un soldat. Et t'as la vie d'une chatte. Bitch, je veux qu'on pèse comme des bêtes. Sans se connaître, non, ne me dis pas non. Les animaux sauvages ne se demandent pas leur prénom. Tu le sais. Lance roquettes et fusil d'assaut. J'ai ramené toute ma délégation. Je ne t'aime pas, je te souhaite la mort. Avec toutes mes salutations. J'ai grandi dans le HLM. Je vis sur le boulevard Haussmann. Je peux te guédra chez HM. Et te baiser dans un pullman. Toutes les cicatrices de mon enfance ne guériront jamais, c'est trop tard. Aujourd'hui je me fais juste des pansements avec des billets de 500 là. Gauche ou droite, droite ou gauche, ils tournent tous autour du pot. D'origine africaine, français, noir, je suis fier de ma couleur de peau. Je fais des cauchemars où je suis poursuivi par des Mercedes GT. Pince-moi, je rêve où t'es poursuivi par la LGBT. Les tonneaux vides font le plus de bruit. Faut rester zen et mettre des cartouches. Coke dans ton zen, tu ne sens même plus l'odeur de la merde qui sort de ta bouche. J'ai été dans ta ville, je sais qui deal. La rue et moi, c'est plus qu'une idylle. J'te tape dans l'arrêt, tu mets de la pésil. J'suis la fierté du bled comme mes outils. Joint sur joint, tu ce genre de nègre. Je ne m'intègre pas, non. Je me désintègre. Mon gros cul noir sur tout le terrain. Que pour des plans juteux. Arrête de tirer sur mon maillot si tu veux. Je te le donne à la fin du jeu. J'approuve un c'est le sang. Sango. C'est le sang, c'est le sang. Sango. 270 c'est le sang. 27. C'est le sang, c'est le sang. 225 c'est le sang. C'est le sang, c'est le sang. La famille c'est le sang. Tout ce qui nous manque c'est le temps. C'est le sang, c'est le sang. C'est le sang, c'est le sang. C'est le sang, c'est le sang. C'est le sang, c'est le sang. Tu le sens, tu le sens. 27. Tu le sens, tu le sens. Ouais. K2A c'est le sang. C'est le sang, c'est le sang. J'ai ces S2R au poteau. KWA et Keita Saldoum dans l'ascenseur du building. Zongo le dozo.